participer. Il va te procurer la joie. Par le pas tout tu vas. Précieux nom si doux. Espoir de la terre vers du ciel. Précieux nom si doux. Espoir de la terre vers du ciel. En son nom du nouveau temple. Procurer la paix, par le partout où tu vas. Précieux nom si doux, visionne la terre, joie du ciel. Précieux nom si doux, visionne la terre, joie du ciel. Précieux nom si doux, bison de la paix, joie du ciel. Précieux nom si doux, bison de la paix, joie du ciel.